de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans le nouveau théâtre de Montreuil, la grande salle porte le nom de Jean-Pierre Vernant. En 2001, lors de la séance inaugurale des petites conférences « Lumière pour enfants », dans ce centre dramatique national de Montreuil, Jean-Pierre Vernant racontait l'histoire d'Ulysse à un public d'enfants. C'est l'enregistrement de cette séance que proposait Blandine Masson aux auditeurs de France Culture en mai 2002. On y retrouve Vernant, comme chez lui, au milieu des héros et des dieux de ses récits du fond des âges fondateurs de notre civilisation, intact dans son enthousiasme à les transmettre et les faire aimer à ceux qui viennent après lui. On devine dans sa prestation le grand-père rompu à un exercice qu'il a déjà pratiqué souvent en famille. C'est lumineux, vivant et passionnant. Pour les plus jeunes, qui n'en connaîtraient rien, comme pour les moins jeunes qui savent cette histoire-là par cœur, mais auxquels Jean-Pierre Vernant la restitue brillante comme un sous-neuf. L'initiatrice de ces petites conférences, la dramaturge Gilberte Tsai, se souvient que ce jour-là, un enfant avait demandé à Jean-Pierre Vernant « Comment tu sais tout ça ?» Les aventures d'Ulysse, racontées par Jean-Pierre Vernant. Première partie. Alors, Ulysse, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme ? C'est un de ces personnages qui, du fond des temps, est venu jusqu'aujourd'hui parce qu'il est ce qu'on peut appeler un héros de la Grèce ancienne, un des personnages clés. Imaginez-vous que plus tard, 3 ou 4 siècles après, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, tous les petits-enfants qui allaient à l'école apprenaient par cœur les histoires d'Ulysse. Ça fait partie des évidences. Ils connaissaient Ulysse comme si ça avait été leur copain. Ce personnage, à côté d'un autre qui s'appelle Achille, Achille au pied léger. Achille, c'est le guerrier. C'est un type qui va mourir tout jeune parce qu'il n'a qu'une idée. C'est d'affronter en combat singulier sur le champ de bataille à Troie, où les Grecs sont venus faire une expédition pour prendre la ville de Troie. Lui, Achille, il a choisi ce que les Grecs appelaient la belle mort. Il a choisi de mourir encore tout jeune, dans la fleur de son âge, dans son maximum de vaillance et d'énergie, avec l'idée qu'en mourant ainsi au combat et en prouvant chaque jour, dans l'affrontement avec un autre grand guerrier, qu'il était le meilleur, qu'on ne faisait pas mieux, comme héroïsme, comme courage, comme habileté aussi au combat, à la guerre, il s'assurait une gloire immortelle, ça ne finirait jamais. Donc, la virilité, le courage, l'héroïsme. Et Ulysse, c'est une autre paire de manches. Il a ça aussi, c'est aussi un bon guerrier, hein, avec le casque, le plumet, la cuirasse, le bouclier, le javelot et le glaive. Mais il est surtout, Ulysse, un malin. C'est un type incroyablement rusé. Il possède une qualité qui s'appelle en grec la métis, l'astuce. Cette astuce, ça lui permet de sortir d'affaires dans les situations où on peut penser qu'il est foutu. Il a tout contre lui. Il se heurte à bien plus fort que lui. Et il trouve le moyen, en malin, en rusé, en menteur, en fourbe, en dissimulant sa pensée, de trouver des astuces pour finalement l'emporter. Alors cet Ulysse à Troie, il a déjà montré qu'il était un très bon guerrier, mais, et je trouve que moi ça me le rend plutôt sympathique, il n'avait pas tellement envie de partir à la guerre. Tous les Grecs se rassemblaient, c'est grand la Grèce continentale, c'est un grand pays. Quand on veut faire cette expédition contre Troie, on bat le rappel de tous les guerriers. Et par conséquent, on dit, il nous faut Ulysse, et on envoie un vieux bonhomme, Nestor, aussi personnage héroïque, mais vieux, sage, qui sait bien parler, pour convaincre Ulysse de se joindre à l'expédition. Et il fait donc la guerre de Troie. Vous savez, ça dure longtemps, 10 ans de guerre, 10 ans de siège. Et finalement, Troie est prise. Et ils ne se contentent pas de prendre la ville et de gagner, parce que quand les hommes font la guerre, ils sont souvent devenus fous, ils sont méchants. Non seulement ils tuent tous les hommes, mais ils tuent même des enfants, ils tuent des femmes. Ils se conduisent d'une façon honteuse. Il y a des temples où, en principe, on ne doit pas entrer. Ils entrent, ils arrachent les femmes et les enfants qui sont là et les emmènent comme esclaves. Bref, ils montrent que même les hommes, les peuples qui sont civilisés, qui à bien des égards sont respectables, peuvent perdre la tête quand la haine les habite et quand la guerre sévit. Et nous-mêmes, nous savons ça, puisque nous-mêmes, les Français, il nous est arrivé dans certaines guerres, comme dernièrement dans la guerre d'Algérie, de nous comporter de façon scandaleuse que les dieux grecs auraient condamné comme ils ont condamné les Grecs. Et donc, quand les Grecs repartent en bateau, ils ont la conscience lourde. Et les dieux décident de les punir. Toute leur flotte se disperse, la plupart meurent. Et Ulysse, lui, qui n'a pas été particulièrement affreux dans cette conquête de Troie, qui ne s'est pas illustré par sa cruauté, par la torture qu'il aurait infligée à ses ennemis, par le fait qu'il aurait tué les femmes et les enfants, et pas seulement les guerriers pour sauver sa vie, Ulysse est là avec sa flottille, il est le roi, d'une petite île, certains d'entre vous qui iront en Grèce connaissent, elle s'appelle Ithaque. Et il part avec 12 navires. Et puis, bien entendu, la navigation à cette époque n'est pas facile. Les bateaux n'aiment pas aller en pleine mer. Il n'y a même pas vraiment un gouvernail. On gouverne avec une rame à l'arrière. On fait comme on peut. On bricole son retour. Alors, comme il est naturel, de temps en temps, il essuie des tempêtes, il descend sur les côtes de Thrace pour essayer de se ravitailler. Là, ils sont attaqués par les habitants du pays, ils perdent beaucoup de bateaux et d'hommes, et ils repartent, et ils arrivent finalement au bout de la Grèce, à ce qu'on appelle le Cap Malais. Ce n'est plus les eaux de Grèce, déjà, ce sont une mer plus vaste. Et quand il passe le Cap Malais, Ulysse s'est dit, ça y est, l'affaire est dans le sac. Il voit presque au loin les côtes de sa patrie et il pense que c'est réglé. Pas du tout. À peine a-t-il passé le Cap Malais que tout d'un coup, les dieux sans doute, déclenchent orages, ouragans, des espèces de lames épouvantables et pendant 9 jours de suite, ce navire est entraîné où ? Bah, écoutez, dans une espèce de monde qui est un monde qui n'est plus le monde des hommes. Non seulement qui n'est plus le monde des Grecs, mais qui n'est plus un monde humain. Pourquoi ? Parce que pour les Grecs, même s'ils sont ennemis, même s'ils se battent, il y a des règles. Les hommes, nous, qu'est-ce qu'on est pour les Grecs ? On est des hommes mangeurs de pain, buveur de vin, ça veut dire qu'on est des agriculteurs, il y a des champs, il y a des charrues, on cultive, il y a des céréales et on mange le pain. Et aussi il y a des vignes qui sont cultivées. Ça n'est pas la terre sauvage, c'est la terre cultivée. Première chose, manger le pain, boire le vin comme les hommes. Et deuxièmement, les hommes reconnaissent les dieux. Ils savent que tout n'est pas permis. Ils savent qu'il y a au-dessus d'eux des puissances qui les regardent, qui les observent, qui les jugent. Et que par conséquent, si c'est à eux de décider ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et en particulier, il y a un point sur lequel tous les Grecs, tous les Troyens, tous les gens d'Asie mineure, tous les gens de la Grèce continentale, de la mer Noire sont d'accord, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Quand on est chez soi et qu'on voit arriver quelqu'un qu'on ne connaît pas, un étranger, quelqu'un d'autre, et qui vient vous demander appui, il devient vous supplier de l'accueillir, alors la règle, c'est toujours qu'on l'accueille. Et que si on ne l'accueille pas, Zeus, le plus grand dieu, le Zeus des étrangers, le Zeus de l'hospitalité, Zeus Xenios, dit les Grecs, est scandalisé. Et à partir du moment où ils ne sont plus dans ces eaux grecques, Ulysse et son bateau vont être dans un monde de fantasmagorie où il n'y a plus d'hommes, proprement dit. Il n'y a plus de mangeurs de pain, de buveurs de vin, et il n'y a plus de gens qui respectent l'hospitalité. Ou bien on a affaire à des espèces de dieux qui se nourrissent immortels, parce que les hommes sont mortels aussi. On est un petit garçon, une petite fille, on grandit, on est un adolescent, on devient un adulte, et puis on commence à ramollir, on devient vieillard plus ou moins gâteux, affaibli, sans force, qui perd la tête, et ça, c'est la destinée des hommes. On monte, et puis à un moment donné, on redescend. Tandis que les dieux, on les appelle les immortels bienheureux. Eux, ils sont pas dans le temps, ils n'ont pas à naître, et ils n'ont pas non plus à mourir, ni à devenir plus grands. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont là, et ils sont là, et ils bougent plus. Et bien entendu, les hommes se disent, « Oh ben, ceux-là, quand même, moi j'arrive, et puis je m'en irai. Je passe. Je suis simplement ce que les Grecs appellent un éphémère, comme les feuilles sur les arbres, qui tombent, et puis les autres viennent les remplacer. Tandis que c'est du solide, c'est du costaud, faut pas rigoler avec eux. » Eh bien, dans cette espèce de monde où Ulysse est projeté avec ses navires, c'est un monde où il y aura des gens de ce type, des déesses immortelles, dont je dirai un mot. Et les autres, c'est quoi? Ben, c'est des gens qui ne sont pas franchement des hommes. Donc lui, Ulysse, au fond, peut-être, pour expier le fait qu'ils n'ont pas su garder la mesure pendant cette guerre, qu'ils n'ont pas su se sentir proches de ceux-là même qu'ils combattaient et qui étaient des ennemis, mais aussi des humains, des frères. Il va payer, il est envoyé dans un monde qui est les frontières de la nuit, un monde où les puissances nocturnes, aux yeux des Grecs, tout ce qui s'appesantit sur vous, sont maîtresses. Et comment est-ce que ça se passe? Au bout de 9 jours de tempête, il ne sait plus où il est, avec ses navires, il aborde sur une côte qu'il ne connaît pas. Où est-ce qu'il est? Il n'en sait rien. Il envoie 3 des marins pour se livrer à un travail d'exploration. Hein. Allez voir où est-ce qu'on est, qui est-ce qui habite là, si c'est des gens prêts à nous tuer ou si c'est au contraire des gens qui vont nous ravitailler et nous aider. Et le pays où ils sont s'appelle le pays des lotophages. Ce n'est pas des mangeurs de pain, ce sont des mangeurs de lotos. Le lotos, c'est une plante, et c'est une plante magique d'une certaine façon. C'est une plante qui, dès que vous l'avez mangée, vous fait tout oublier. Vous ne vous souvenez plus de rien, ni de ce que vous êtes, ni des raisons pourquoi vous êtes là. Si vous voulez, ce monde où il aborde, c'est un monde qui est placé sous le signe de l'oubli. Alors les 3 gaillards arrivent là, les lotophages les reçoivent très gentiment, mais venez donc, vous allez bien boire un coup, etc. Et ils mangent le lotos. Et à peine le lotos mangé, pouf, ils se souviennent plus de rien. Et ils n'ont plus aucune envie de rentrer chez eux. Et quand ils retrouvent Ulysse leur dit, Qu'est-ce que vous avez vu ? Lotos, Lotos. Mais pourquoi Lotos, Lotos ? Lotos, Lotos. Ils ne se souviennent plus de rien. Et alors, ils se disent, bon, on rembarque. Non, non, on reste là. Ils n'ont qu'une idée. Ils n'ont plus de passé. Ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont plus d'identité. Alors, une seule idée, bon, on ne bouge plus, on se met derrière quelque part, et puis on reste là. Ulysse les prend par la peau du cou, paf, il le refout dans les navires, et en avant, ils repartent. Ils repartent, et alors ils arrivent, dès le lendemain, soir, c'est la nuit. Et c'est une nuit noire. Pas le moindre rayon de soleil, mais pas de lune non plus. Pas de vent. Alors, les types ont quitté les rames, ils sont sur le bateau, ils sont là. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et le bateau avance tout seul. Il avance tout seul, c'est la houle. Et en faisant avancer ce bateau, ils arrivent sur une île qu'ils n'avaient même pas vue. Tout d'un coup, le bateau fait un certain bruit, leur bateau, ils sont plusieurs, ça racle. Et ils s'aperçoivent que le bateau est arrivé sur une grève, sur le sable. Et alors bon, ils descendent de là. J'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient, c'était les portes de l'oubli. Et maintenant, c'est comme si les portes de la nuit d'un monde nocturne s'ouvraient devant eux. Et où ils ont été poussés tout seuls sans rien voir, sans rien comprendre, magiquement. Ils descendent, ils sont sur un petit îlot. Rien ne pousse, aucune culture, pas de vignes, pas de céréales, des bois. Et des chèvres sauvages, ils en tuent quelques-unes pour manger. Et le lendemain matin, quand le soleil se lève, ils aperçoivent une île plus grande, un peu plus loin, très escarpée, avec en haut des grottes immenses, tout à fait en haut, des petits chemins qui grimpent jusqu'à la grotte. Et c'est la demeure de ceux qu'on appelle les cyclopes. Les cyclopes. Qu'est-ce que c'est que ça, les cyclopes ? Les cyclopes, c'est une population qui ne connaît ni la navigation, ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de rame, il n'y a pas de port. Et Ulysse dit, oh non, d'une pipe, si on était là, on pourrait faire un très beau port, ça serait, on pourrait faire du commerce. Pas d'agriculture, rien. Et ils habitent tous isolés. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de nation. Chaque cyclope habite dans sa famille à part, dans sa grotte. Fermé sur lui-même. Et ces cyclopes, ils ne sont pas immortels, mais ils sont quand même plus proches des dieux que les hommes. Ils vivent plus longtemps. Et surtout, ils ne se soucient pas des dieux. Vous allez voir. Ulysse dit, les marins d'Ulysse, quand ils comprennent qu'ils ont affaire à ce genre de personnage, disent, dis donc, Ulysse, on met les bouts, on s'en va, on ne va pas les voir. Mais Ulysse est un type intelligent, malin, et qui a l'esprit curieux. Ah, il dit, non, non, moi, je ne vais pas rater cette occasion. Je voudrais bien voir de près ce cyclope. Alors, il prend avec lui 12 gaillards. D'abord, il fait une chose. Il planque son bateau dans un endroit d'où on ne peut pas le voir du haut, à l'abri. Et puis, ils montent par le petit chemin et ils arrivent à une immense grotte. Et dans cette grotte, devant la grotte, il y a une sorte de parc pour les animaux qui est fermé par un mur avec une porte. Et dans la grotte, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du fromage, il y a du lait, il y a des clés. Ce sont des pasteurs, ces cyclopes. Ils ont des troupeaux. Ils ne mangent pas de pain, ils ne boivent pas de vin, bien entendu, mais ils boivent du lait, ils mangent du fromage. Et voilà, et de temps en temps, une des bêtes du troupeau. Alors, dès que qui sont là, les compagnons d'Ulysse, les 12 marins qui sont avec lui, lui dit, on prend des fromages, on prend quelques agneaux, et on s'en va. Non, dit Ulysse, très têtu. On reste, on va voir. Et alors, ils se planquent dans la grotte, et dans cette grotte qui est immense, ils sont comme des petites puces, rien du tout, la grotte de Bic. Et arrive le cyclope, énorme, une montagne lui-même, avec un seul œil au milieu du front. Pas deux yeux, comme vous et moi, mais un seul œil au milieu du front. Il est là, il fait rentrer ses troupeaux, il traite ses brebis, il donne à manger aux agneaux. Il voit même pas les Grecs, parce qu'ils sont tout petits, ils ont été se planquer dans le fond de la grotte, et ils ont terriblement peur devant ce colosse. Et à un moment donné, le cyclope jette un coup d'œil et voit ces gaillards-là. Alors il leur dit, mais qui êtes-vous? Alors naturellement, Ulysse lui raconte des blagues. Ulysse lui dit, oh, ben, on est des Grecs, on était à la guerre de Troie. Et votre bateau? Mon bateau, on n'en a plus, dit Ulysse. Il a été cassé par la tempête, donc nous venons ici en suppliant. Nous invoquons le Zeus des suppliants pour que tu nous accordes l'hospitalité. Je vais vous la donner, lui dit le cyclope. Je vais vous donner une hospitalité dans ma bedaine, dans mon ventre. Il en attrape deux par les pieds. Paf! Il leur casse la tête sur le plancher. Et jouk, jouk! Il avale les deux gaillards. Alors, vous voyez que les Grecs commencent à trouver que la curiosité d'Ulysse, c'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Et Ulysse se dit, nom d'une pipe, j'aurais mieux fait de filer. Comment est-ce que je vais me tirer de là? Et finalement, il a une idée. Il avait apporté avec lui, avant d'aller dans la grotte, une outre pleine d'un vin qui lui avait été donné dans des conditions peu importe, mais qui était un vin absolument formidable. Ces vins grecs, à cette époque, c'était des vins qu'on ne peut pas boire purs, sont trop forts en alcool, et celui-là, même pur, même sans eau, il a un goût fantastique, c'est un prêtre d'Apollon qui le lui avait donné comme un cadeau formidable. Et alors il dit au cyclope, le cyclope les rudoie tous, il en a mangé deux le matin, il en remange deux le soir, la fin de la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une porte de la grotte, pas une porte, une ouverture. Alors il prend une sorte de rocher immense, dont le poète nous dit que même quatre chars, avec chacun deux chevaux qui tiraient, n'arriveraient pas à le faire bouger. Lui, il emmène ça comme une plume, et il le fait, il ferme l'entrée, donc les Grecs sont coincés la nuit là-dedans. Et alors commence un petit débat entre Ulysse et le cyclope. Le cyclope lui dit, bon, alors tu n'as plus de bateau, bon, comment tu t'appelles? Et alors là, Ulysse lui dit, mon nom, le nom que me donnent mon père, ma mère et tous mes compagnons, c'est personne. Outis. Outis. Alors là, il y a un jeu de mots qui boutre. Comment il est malin, pourquoi? Parce que la qualité principale d'Ulysse, c'est la ruse qui se dit la métis. Métis veut dire aussi personne. Donc, il y a deux termes pour dire personne. Outis, personne, ça veut dire je suis rien. Et puis il y a métis, qui veut dire personne, mais qui veut dire aussi très malin. Il lui dit, je suis personne. Ah bon? Eh ben écoute, si tu me donnes un peu de ce vin, je te ferai moi aussi un cadeau. Ulysse lui donne du vin, il boit ça, il trouve que c'est merveilleux, il n'en revient pas. Une rasade, deux rasades, trois rasades. Et il dit à Ulysse, tu m'as fait un cadeau moi aussi. Et, qu'est-ce que c'est? Demande Ulysse, espérant qu'il lui dit la liberté. Eh ben voilà. Parmi les 12 de tes compagnons, je te mangerai le dernier, toi. Bon. Et voilà le brave cyclope, brave si je peux dire, qui s'endort après avoir roté parce qu'il a mangé tous ses festins cannibales et tout le lait caillé. Et il s'endort pesamment. Et alors Ulysse prend un espèce d'énorme tronc d'olivier qui était là. Il l'écarie un peu. Il y a de la... Sous la cendre, il le fait rougir au feu, et pendant la nuit, avec 4 de ses compagnons, ils attrapent cette espèce de mât, ils se mettent au-dessus du cyclope endormi, et dans son œil unique, qui dort, qui est fermé, ils mettent le pieu, ils le tournent, comme on ferait avec un vrillet. Naturellement, le cyclope se réveille et pousse des hurlements de douleur et de fureur, mais que faire? Il est aveugle, il ne voit plus rien. Il voit plus rien, mais les Grecs sont pas sortis parce que la porte elle est fermée. Et non seulement ça, mais le cyclope, on est en pleine nuit, pousse des hurlements affreux et appelle ses compagnons cyclopes au secours. On dit « Au secours! Au secours !» Alors les cyclopes qui sont sur les hauteurs un peu plus loin entendent ça et viennent voir et lui disent « Oh, il s'appelle Polyphème, ce cyclope. » Ce qui veut dire que Polyphème, il parle beaucoup, il est bien connu. Alors, Polyphème, qu'est-ce que t'as? Ouais, Oh, Malthus, c'est terrible! Qui t'a fait ça? Personne! Qui tu dis? Personne! Mais alors, Andouille, si personne t'a fait ça, qu'est-ce que tu nous embêtes? On n'y peut rien! Et ils s'en vont. Et Ulysse, ainsi, en devenant personne, s'est tiré d'affaire avec habileté. C'est pas fini, parce qu'il faut qu'il sorte. Alors, comme il y a des clés avec de l'osier, il prend 3 moutons qu'il met côte à côte et il place, il a déjà avalé, lui, 6 hommes, le cyclope, il en reste 6. Alors, il les place sous les boutons et il les lie sous le ventre des moutons avec l'osier. Donc, 3 moutons, 3 moutons, 3 moutons, voilà. Parce que le matin, bien entendu, les moutons commencent à bêler, ils ont faim, ils veulent aller dehors, et surtout, les chèvres ont les mamelles pleines. Il faut donc ouvrir. Qu'est-ce que fait le cyclope? Il enlève la pierre et il s'assied juste sur le passage pour empêcher les Grecs de passer. Mais bien entendu, il n'empêche pas les bêtes de passer. Alors, par 3, elles passent de front. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, aveugle? Il tâte le dos des moutons pour voir qu'il n'y a personne dessus. Mais il ne pense pas que dessous, ligoté dans la laine, avec de l'osier qui est dissimulé dans la toison, il y a les Grecs. Et puis, il reste Ulysse. Alors, il prend le bélier de ce troupeau, qui est une bête énorme, pour lequel Polyphème a une grande affection. Et quand les autres sont sortis, sont déjà dehors, lui, Ulysse, il se place avec les mains et les pieds dans la laine du bélier, et quand le bélier avance, il se tient à la force des bras sous son ventre. Et Polyphème voit passer son bélier, il lui dit « Tiens, comment ça se fait que tu es le dernier aujourd'hui, d'habitude tu marches devant ?» Mais il ne voit pas non plus Ulysse. Et dès que les béliers sont passés, il referme la porte et il sort à son tour. Pendant ce temps-là, les Grecs, libérés par Ulysse de ce qui les maintenait dans les boutons, se débinent, dégringolent les chemins, arrivent au bateau et Ulysse dit « Allez, hop, en avant, on part !» Et les voilà qui mettent à la rame et qui partent. Mais Ulysse, il est malin, mais il est quand même un peu vaniteux, et il ne résiste pas au plaisir. Une fois qu'il est déjà un peu à distance des rochers où se trouve Polyphème, de lui dire « Hé, Polyphème !» Alors l'autre entend cette voix, aussitôt il prend une espèce d'énorme rocher, et il balance le rocher en direction de la voix, puisqu'il ne voit rien. Et le rocher va tomber juste devant le bateau, c'est une énorme roche, et le remous fait que, malgré les rameurs, ça ramène un peu le bateau plus près du rivage. Et Ulysse continue, « Polyphème, si on te demande qui t'a aveuglé par la ruse, dis-leur que c'est Ulysse, le fils de Laërte, le roi d'Ithaque, le vainqueur de Troie, moi dont la gloire monte jusqu'au ciel. » Bref, il donne son vrai nom. Et alors le Polyphème, qui était le fils d'un dieu, parce que ces cyclopes étaient très proches des dieux, ils avaient commerce avec eux, il s'adresse à son père, Poséidon, qui est le dieu de la mer, avec son trident, c'est lui qui fait les tempêtes, c'est lui qui fait aussi les tremblements de terre de temps en temps, avec son trident, il donne un bon coup sous un archipel, et alors la terre commence à remuer, surtout en Grèce. Et lui dit, Poséidon, je t'implore, je lance une imprécation contre cet homme qui m'a aveuglé, qui m'a mis dans la nuit, qui fait que maintenant je suis dans l'obscurité. Il s'appelle Ulysse, châtie-le. Et alors, en effet, Poséidon va poursuivre Ulysse de sa vindicte. Pendant ce temps-là, le bateau file, et alors il va y avoir une série de malheurs qui vont arriver à ce pauvre Ulysse. C'était La Grèce par Jean-Pierre Vernant. Une histoire d'Ulysse. Première partie, enregistrée à titre exceptionnel,